toi, t'es quoi alors, franchement? T'es pas pathétique, ordurier et méchant et odieux? Tu sais pas ce qu'est l'amour en fait. Tu fais des chansons d'amour à la con là, mais tu sais même pas ce que c'est l'amour. T'es même pas capable en fait d'être fiable et d'être digne de l'amour qu'une fille te porte.